La cérémonie consacrée à la Journée mondiale des donateurs de sang s'est déroulée le 14 juin au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont participé les officiels de la santé publique, de l'unité intéressée, les donateurs de sang volontaires, les membres des institutions internationales en Corée, comme le délégué par intérim de l'Organisation mondiale de la santé et la délégation de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Corée. À la suite des interventions, les participants ont vu le vidéo et les photos exposées et assisté au spectacle de la troupe de propagande artistique et économique centrale. Le même jour, les provinces coréennes ont également organisé la Journée mondiale des donateurs de sang.